il reviendra, on ne s'y attendra pas. On s'y attendra pas. Pendant que Goku est loin de là. Est loin de là. Avec les Dragon Ball, Sorbel ressuscita. Et c'est ce qui se passa. Freezer revient, Freezer revient. Freezer revient parmi les siens. Du fond de l'espace, tu ne nous veux pas du bien. Toi qui détruis tout si bien. Toute sa vie, il prêchait la mort, le désespoir. La mort, le désespoir. Mais Goku le tua et Trunks le retua. Le retua. Quand il reviendra, il leur pardonnera. En les massacrant comme ça. Freezer revient, Freezer revient. Freezer revient parmi les siens. Du fond de l'espace, tu ne nous veux pas du bien. Toi qui détruis tout si bien. Quand il viendra sur notre terre, sur notre terre, il tuera tout le monde à coups de laser, à coups de laser. Car comme sur Namek, il multipliera la mort sur terre. Freezer revient, Freezer revient parmi les siens. Du fond de l'espace, tu ne nous veux pas du bien. Toi qui détruis tout si bien. Clarté, il apparaîtra. Il apparaîtra. Le dieu Saiyajin et le gros chat. Et le gros chat. Le monde entier laissera éclater sa joie en criant Goku est là. Freezer revient, Freezer revient parmi les siens. Du fond de l'espace, t'es quelqu'un de pas très bien, mais on te vaincra enfin. Freezer revient parmi les siens. Du fond de l'espace, t'es quelqu'un de pas très bien, mais on te vaincra enfin. Freezer revient parmi les siens. Du fond de l'espace, t'es quelqu'un de pas très bien, mais on te vaincra enfin. Freezer revient parmi les siens. De l'espace, t'es quelqu'un de pas très bien, mais on te vaincra enfin.